Quand je vous ai vu à la première soirée que vous nous avez donnée, je n'ai pas compris que ce scélérat de Hulot entretint une Jenny Cadine. Vous aviez l'air d'une impératrice. « Vous n'avez pas 30 ans, madame, » reprit-il. « Vous me paraissez jeune, vous êtes belle. Ma parole d'honneur, ce jour-là, j'ai été touchée à fond. Je me disais, si je n'avais pas ma Josepha, puisque le père Hulot délaisse sa femme, elle m'irait comme un gant. Ah, pardon, c'est un mot de mon ancien état. Le parfumeur revient de temps en temps, c'est ce qui m'empêche d'aspirer à la députation. Aussi, lorsque j'ai été si lâchement trompée par le baron, car entre vieux drôles comme nous, les maîtresses de nos amis devraient être sacrées, me suis-je juré de lui prendre sa femme. C'est justice, le baron n'aurait rien à dire, et l'impunité nous est acquise. Vous m'avez mise à la porte comme un chien galeux au premier mot que je vous ai touché de l'état de mon cœur. Vous avez redoublé par là mon amour, mon entêtement si vous voulez, et vous serez à moi. Et comment ? Je ne sais pas, mais ce sera. Voyez-vous, madame, un imbécile de parfumeur, retiré, qui n'a qu'une idée en tête, est plus fort qu'un homme d'esprit qui en a des milliers. Je suis toqué de vous, et vous êtes ma vengeance. C'est comme si j'aimais 2 fois. Je vous parle à cœur ouvert, en homme résolu. De même que vous me dites, je ne serai pas à vous, je cause froidement avec vous. Enfin, selon le proverbe, je joue carte sur table. Oui, vous serez à moi dans un temps donné. Oh, vous auriez 50 ans, vous seriez encore ma maîtresse. Et ce sera, car moi, j'attends tout de votre mari.